Et pour terminer ce programme spécial, Nadine Foutrier nous propose une balade en Normandie pour visiter une petite entreprise où l'on fabrique des objets en cuivre. C'est à Villedieu-les-Poêles, petite commune de 5000 habitants, située entre Granville et la baie du Mont-Saint-Michel, où, d'après l'histoire et par tradition, on fabrique des poêles depuis l'époque des chevaliers de Malte. Mais qu'est-ce qui fait donc la différence entre une poêle en cuivre et une poêle d'un autre métal? Voici la réponse de Monsieur Dulin, artisan chef d'entreprise à Villedieu. N'importe quel chef vous dira, on ne peut pas bien cuisiner sans la conductibilité thermique du cuivre. Lorsque vous mettez une casserole sur le feu, on ne doit pas dépasser 100 degrés de température, mais l'avantage du cuivre, c'est qu'on retrouve en haut de la casserole les 100 degrés, ou pratiquement 95, pour être à peu près précis. Lorsque vous mettez et que vous voulez réussir une sauce, vous devrez mettre des corps gras, des corps légers. Prenez l'exemple du lait, dans lequel il y a de la crème, particulièrement en Normandie. Vous le savez, on fait du bon fromage, on fait des bonnes recettes parce qu'il y a de la crème. Mais lorsque vous mettez ce lait à chauffer dans une casserole, si vous faites l'exemple d'une casserole inox et d'une casserole en cuivre, vous verrez que dans la casserole en inox, il se forme une peau très épaisse sur le lait parce que la source de chaleur n'est pas communiquée jusqu'en haut de la casserole. Et la différence de température fait que la crème se sépare du lait, ce qui n'est pas le cas dans la casserole en cuivre. Et là, vous avez une homogénéité du lait qui reste identique. Et lorsque l'on veut travailler une sauce, c'est la même chose. Vous mettez des corps gras, des corps légers. Si vous ne remuez pas en permanence dans une casserole avec une mauvaise conductibilité thermique, vous n'aurez pas la réduction qu'un chef obtient dans une casserole en cuivre. C'est pourquoi le chef vous dira, bien sûr, le cuivre est incontournable pour réussir une bonne sauce. Si demain je décidais d'acheter une batterie de cuisine en cuivre, j'en ai sous-pesé une tout à l'heure dans votre atelier, une toute petite. Il va falloir aussi qu'on s'habitue. Il y a un poids qui est absolument effrayant. Oui, je vous ai parlé de la conductibilité, mais s'il n'y a pas une épaisseur suffisante, la répartition ne se fera pas d'une façon homogène. Voilà pourquoi dans la gastronomie, et les gastronomes utilisent des casseroles qui font minimum 2 mm d'épaisseur, et le plus recommandé, c'est 2,5 mm, 3 mm. Parce que dans cette épaisseur-là, la conductibilité de la chaleur se fait d'une façon parfaite. En deçà, il y a quand même un frein à la propagation de la chaleur jusqu'en haut de la casserole. Voilà pourquoi une casserole de qualité est forcément lourde. Je vous donnerai un exemple, un kit de casserole qui se vend en général par 5, c'est facile, on ne peut tromper personne. La série de casseroles doit peser au moins 9 kilos, si ce n'est pas 10. L'art de façonner le cuivre, c'est de la dinanderie. Monsieur Dulin est donc dinandier. Il nous explique l'origine de ce mot peu courant. Dinanderie vient de la ville de Dinan, parce que cette ville avait une spécialité qui malheureusement a disparu depuis, mais qui faisait qu'on travaillait tout ce qui est faible épaisseur. On faisait beaucoup de bibelots, beaucoup de petites chaudronneries à la main. Et la dinanderie touche la corporation de tout ce qui touche au décor dans son ensemble. La chaudronnerie étant plus appropriée à tout ce qui est batterie de cuisine. À Villedieu-les-Poêles, on ne fabrique pas à la chaîne. Le travail de l'entreprise de Monsieur Dulin reste artisanal. On fait beaucoup de petites séries. Si nous devions utiliser des presses de fort tonnage, les grandes entreprises, par exemple, n'ont pas ce problème de recuit, etc. Ils emboutissent, il y a la puissance, il y a la frappe. Nous, sur le plan artisanal, en faisant des petites séries, on doit tenir compte de la résistance du métal. Et la technique qui est employée, surtout à Villedieu-les-Poêles, est le repoussage. Et pour le repoussage, comme la plupart du temps c'est un repoussage à la main, on doit passer par des phases intermédiaires pour garder la texture du cuivre. Sinon, il s'écrouille, il devient cassant. On ne respecte pas les épaisseurs dans une casserole. Suivons maintenant Nadine Foutrier dans l'atelier où il règne une ambiance sonore particulière. Ahmed, vous êtes repousseur. Qu'est-ce que ça veut dire repousseur ? Alors repousseur, c'est exactement, c'est pousser le métal, c'est le mot qui veut bien dire ça. C'est-à-dire qu'on a une forme qui tourne sur un tour et on doit épouser la forme. C'est pousser le métal sur la forme. Il y a un moment où certains métaux, on est obligé de les recuire, on pourrait casser le métal ? Oui, exactement. C'est comme exemple, je pourrais citer le laiton, le cuivre. On est obligé de recuire à chaque fois pour obtenir, par exemple, un corps de théière. On est obligé de recuire, c'est-à-dire pour le rendre un peu plus malléable. Et ainsi de suite, jusqu'à la forme finale, quoi. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des créations tout à fait excentriques à faire, plutôt que des petits moulages qui vont faire une théière? Est-ce qu'il vous est arrivé de faire des choses créatives et des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire? Parfois oui, mais comme c'est un tour, c'est une machine, c'est-à-dire on est toujours obligé de respecter une forme arrondie. Et on ne peut pas obtenir une forme carrée, ou c'est-à-dire on est obligé d'avoir toujours quelque chose qui tourne rond. Parce que c'est la machine, je veux dire, le tour, ils tourneront. Donc on est obligé d'avoir toujours le même type à petit près de pièce. On peut avoir différentes pièces, mais toujours rond. Il faut que ça tourne rond. Vous pensez qu'un jour, votre travail sera remplacé par une machine définitivement? Sur certaines pièces, oui, mais pas sur tout. La création, la machine ne peut pas la créer. On a toujours besoin de mains, on a toujours besoin de personnes pour créer et être créatif. Et justement, parce qu'il y a certaines pièces que la machine ne pourra jamais faire. Je pense pas qu'elle pourra remplacer l'homme, mais heureusement d'ailleurs. Il est vrai que le modernisme a fermé les portes de beaucoup de dinanderies. Monsieur Dulin nous explique les raisons qui l'ont poussé à persévérer dans l'artisanat. Lorsque j'ai réouvert cet atelier-là, je l'ai fait pour deux raisons. C'est le développement et la protection d'un savoir-faire que j'ai mis en application pour répondre à une certaine demande de clients qui nous disaient « Mais où est-ce qu'on peut faire ça? Plus personne veut le faire, etc. » Donc, mon slogan commercial est devenu « Je fais ce que les autres ne veulent plus faire. » Une statue, une baignoire, un seau à champagne numéroté. Récemment, j'ai fait le Bocuse d'or pour les États-Unis, le trophée des maîtres cuisiniers au Japon. C'est des pièces que je prends plaisir à réaliser à la demande et selon les critères de mes clients. Perdu dans le département de la Manche, en Normandie, Monsieur Dulin a cherché à se faire connaître à Paris. Après avoir découvert un emplacement intéressant, les commandes ont augmenté, y compris celles de l'un des représentants du Vatican, pour la venue du Saint-Père en France. J'ai appris que le Viaduc des Arts était un endroit où les artisans pouvaient s'exprimer et mettre en avant leur savoir-faire. Donc depuis 3 ans maintenant, l'atelier du cuivre est implanté dans le Viaduc des Arts à Paris, près de la gare de Lyon. Et quelqu'un flânait le long de cette avenue, juste avant l'avenue du Pape. Et il m'a dit, mais il me semble bien qu'à Villedieu, vous avez un savoir-faire. On a besoin de coupelles pour distribuer la communion lorsque le Pape vient à Reims. Et on a d'abord eu une commande de 1000 pièces, et puis après, il y a eu projet d'aller à Sainte-Anne-d'Auray en Bretagne. Alors les gens de Sainte-Anne-d'Auray ont téléphoné aux gens de Reims, comment vous avez organisé le séjour à Reims? Mais écoutez, c'est simple, nous on a quelqu'un, Villedieu, qui nous a fait des coupelles pour distribuer la communion, mais attendez, ils pourraient peut-être nous en faire. Et ils sont venus me voir, et on a refait 1200, si bien qu'on a fait 2500 coupelles en laiton, estampillées, et pour Reims, et pour Sainte-Anne-d'Auray. Alors si d'aventure, vous passez par la Normandie lors d'un prochain voyage en France, après avoir visité le Mont-Saint-Michel et les plages du débarquement, pourquoi ne pas faire un petit tour du côté de la dinanderie de Villedieu-les-Poêles? Nous sommes arrivés au terme de notre grande balade en France. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Balade en France est un programme de Champs-Élysées. Si vous voulez en savoir davantage sur ce magazine audio, je vous renvoie au site internet suivant www.champselysees.com. Champs-Élysées, c'est chaque mois la France en CD et cassette.